Riffraff. Riffraff. Oh, mais c'est du rock'n'roll. Du gros son sur Radio Pont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Riffraff sur Radio Pont. Pour ce numéro 2, je me suis dit, il faut envoyer du lourd. Alors j'ai cherché un thème original et après de longues, mais très longues secondes, moins de 10 à vrai dire, j'ai posé une équation mathématique des plus complexes. Mois de décembre égale Noël, donc Riffraff de décembre égale Riffraff de Noël, c'est QFD. Je vous entends dire, encore une émission de Noël. Eh bien oui, mais on va quand même essayer de sortir des sentiers battus. Car dans les pays anglo-saxons, la tradition et les chants de Noël sont quelque chose de très important, et presque tous les artistes de quelque style de musique que ce soit sont passés par leur single ou leur album de Noël. On peut donc par exemple trouver la même chanson dans tous les styles possibles et imaginables. Une des plus connues est Mariah Carey, qui tous les ans nous ressort le même titre de Noël, All I Want For Christmas Is You, juste avec quelques modifications sur les arrangements musicaux. Mais beaucoup d'autres y sont aussi passés, comme les Jackson 5, les Rolling Stones, Bob Dylan ou Bruce Springsteen. Le boss que l'on va écouter tout de suite avec Santa Claus Is Coming To Town, une de ces chansons dont je vous parlais à l'instant, un morceau de 1934, ici dans un live de 1975. Practicing real hard, yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many. You guys in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Say. Coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find. Santa Claus is coming to town. Pour cette émission de Noël, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous proposer des idées cadeaux au cas où l'inspiration vous manquerait. Alors voici une liste non exhaustive d'albums qui feront forcément plaisir. On commence par Abbey Road des Beatles, qui est réédité pour son 50e anniversaire et qui à sa sortie s'est placé en tête des ventes en Angleterre, ce qui lui fait détenir le record de l'album qui a mis le plus de temps à revenir à la première place en Angleterre. Dans les cinquantenaires, on a aussi The Soft Parade des Doors et In the Court of the Crimson King de King Crimson. On continue dans les anniversaires avec l'édition des 30 ans de l'album Dr. Feelgood de Motley Crue, les 20 ans de Live at the Greek, live de Jimmy Page et des Black Crowes de 1999, un concert où sont repris des morceaux de Led Zeppelin et des standards du blues et du rock. Début décembre, la sortie pour Deep Purple d'un live enregistré à Rome en 2013, sortie d'un live aussi pour Lynyrd Skynyrd. Il y a aussi les albums d'Iron Maiden qui sortent aussi en version remasterisée. Bridge to Buenos Aires, un live sorti des archives des Rolling Stones, live enregistré le 5 avril 1998 dans la capitale argentine, notamment connu pour la participation exceptionnelle de Bob Dylan. Voilà, ça vous aura peut-être inspiré et j'espère que ça fera des heureux. On continue tranquillement avec Queen, avec Thanks God It's Christmas, sorti pour Noël 1984. Thank God it's Christmas. On est de retour dans Riff Raff sur Radio Pont 97 FM. On va maintenant s'écouter Joe Bonamassa avec Christmas Boogie. We'll be right back.

era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! On va profiter de ce petit moment punk rock contestataire pour continuer notre liste de Noël avec les coffrets. On passe à un budget un peu supérieur, mais ce sont de très beaux objets. On commence avec Songs for Groovy Children, coffret des 4 concerts enregistrés par Jimi Hendrix and the Band of Gypsies au Fillmore de San Francisco les 31 décembre 69 et 1er janvier 70. On a aussi le coffret de tous les singles des Beatles, soit 23-45 tours, avec la particularité que chaque single a la pochette d'origine du pays dans lequel il est sorti. Puis Motorhead 79 qui regroupe les deux albums Overkill et Bomber sortis en 79, qui fut l'année Motorhead. On y retrouve aussi deux lives inédits, aussi de 79, dont un au Mans. Van Halen sort aussi un coffret des 13 singles et face B sortis entre 78 et 84 au Japon, avec les pochettes originales japonaises. On a aussi le coffret intégral des Rita Mitsuko, et pour finir, The Later Years de Pink Floyd, coffret regroupant 16 disques et plus de 13 heures d'enregistrement audio et vidéo inédits, enregistré de 1987 à nos jours. On y trouve aussi des lives très recherchés, comme le concert de Venise de 89, et pour la première fois, la dernière performance live de David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright jouant ensemble pour le concert en hommage à Syd Barrett de 2007. Après toute cette débauche mercantiliste, on va reprendre un peu de contestation avec les Béruriers Noirs et la Mère Noël. Dans son piège, champ de miel. On est de retour dans Riff Raff sur Radio Pont. Comme parfois un peu de poésie ça fait pas de mal, et bien du coup on va se faire du mal avec le prince de la vigne, le roi des sacs à vin, j'ai nommé Gérard Best avec Nuit de Noël. Oh oh oh, bonjour les enfants, c'est le Père Noël qui vous parle. Tu as été un gentil garçon ou une gentille petite fille. Tu as bien travaillé à l'école ou au bureau, alors tu as bien mérité un beau cadeau. Il était 11h30 et je l'attendais depuis le début de la journée. En fait ça faisait des semaines que je l'attendais, j'avais tout préparé. Un joli feu de cheminée, je m'étais dit que ça me ferait marrer si ce qu'on pouvait se cramer un petit peu le fion. J'avais même cuisiné une bûche pour le remercier de m'apporter un des deux R2 en plus. Et en plus, j'avais déblayé la terrasse et sculpté une belle bite en glace pour accueillir le gros dégueulasse. J'ai débouché une méchante bouteille pour immortaliser la scène. J'ai mis des piles dans l'appareil depuis toutes ces années. Oui, il m'a toujours gâté, il fallait s'organiser pour pouvoir lui rendre l'appareil. Je me suis dit qu'il devait en avoir marre des grosses fêtes, qu'une fois dans sa vie, il devait avoir envie de poser ses grosses fesses, de se donner un peu de plaisir en fait. Alors je l'ai attendu vibrant, petite tenue sur ma peau de bête. À minuit j'étais OP, j'avais sorti le pot de gel. Je lui ai baissé son franc et j'ai enculé le Père Noël. Besoin de se réchauffer sur le traîneau Hichel. J'ai fait ma bonne action et j'ai enculé le Père Noël. Avec beaucoup d'hiver en chantant Jingle Bells, j'y ai mis tout mon cœur et j'ai enculé le Père Noël. 24 décembre sera plus jamais pareil. Désolé les enfants, mais j'ai enculé le Père Noël. Oh oh oh, merci mon garçon. Tu as donné beaucoup de plaisir à un vieux bonhomme. J'en ai vu des trucs et même des tordus depuis le temps que je fais ce boulot, mais alors ça on me l'avait jamais fait. Dis donc, je t'enverrai bien Saint-Nicolas, il faudrait que j'en cause au point match, ça peut débrancher ton truc. Hein. Ah vraiment, tu m'as fait revivre la magie de Noël. Il est hot hot hot, j'bourre ça hot hot hot. Je l'ai laissé chancelant et le cul en compote pote pote. La tête pleine de loupiottes et les boules brillantes. En rocher en haut du sapin à la place de l'étoile filante. J'ai obligé à tracer, dire qu'il avait fait sa tournée. Avant que la mère Noël puisse l'enguirlander, je l'ai embrassé sur le nez. Je lui ai dit à l'année prochaine et avant qu'il se renvole, j'ai branlé un de ses rênes. Au revoir Père Noël. Oh, oh, oh, au revoir les enfants. Merci à tous. Ce fut une très belle nuit de Noël. Un petit peu mal au cul, mais sur le traîneau ça va passer. Et merci pour mon rêve. Au revoir les enfants. N'avait besoin de se réchauffer sur le traîneau Hichel. J'ai fait ma bonne action et j'ai enculé le Père Noël. Avec beaucoup de vigueur en chantant Jingle Bells, j'y ai mis tout mon cœur et j'ai enculé le Père Noël. Parité avant qu'il reparte dans le ciel. J'ai branlé un des règles du Père Noël. 24 décembre sera jamais plus pareil. Désolé les enfants, mais j'ai enculé le Père Noël. Si si. Oh du hip-hop. Pour me dédouaner, Gérard et les Winkles sont passés au Hellfest. D'ailleurs, les Winkles travaillent à la sortie d'un nouvel album, comme depuis les 10 dernières années. Donc si un jour il sort, on s'en écoutera un morceau. On revient à un classique de Noël, extrait d'une compilation de chants de Noël, We Wish You a Metal Christmas. Cette chanson, Run Rudolph Run, a été popularisée dans les années 50 par Chuck Berry, mais cette fois-ci revisitée en 2008 par Feu Lemmy, Billy Gibbons, guitariste de ZZ Top, et Dave Grohl, leader des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana. Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Santa coming far behind. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like I'm married around. Said Santa to a boy child, what do like a merry-go-round. Said send it to a girl child, what would please you most to get? A little baby doll that could cry, sleep, drink and wet. And then away he went, Rudolph, whizzing like a Sabre jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Pour finir sur les idées cadeaux, je peux vous proposer le livre Au nom de la Rage Tour, livre pour fêter les 40 ans de Trust. Acid for Children, les mémoires de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Metallica, qui a sorti des paires de chaussettes, arborant des pochettes d'albums et d'autres visus très sympas. Van Halen, qui sort aussi des répliques de ses guitares en boule de Noël. Pour les fins gourmets, on peut trouver le whisky Metallica, le rhum Judas Priest, les bières Trooper d'Iron Maiden, la lager et le vin d'ACDC, la Bastard Lager de Motorhead ou la Keken d'Ultra Vomit, brassée chez nous à Pont-l'Abbé d'Arnoux par la brasserie Bock 17. Enfin, pour les grosses bourses, je parle de budget, il y a la vente aux enchères d'une copie très rare de God Save the Queen des Sex Pistols, qui, selon les responsables de la vente, il s'agit ici d'un enregistrement des plus rares et recherchés au monde. C'est pour ça qu'il est estimé entre 14 000 et 17 000 euros. Sinon, la paire de chaussettes blanches incrustées de diamants que Michael Jackson a porté la première fois qu'il a fait découvrir le moonwalk à la télé en 83, estimée à 1 million de dollars. Pour rester dans l'abordable, par exemple pour 1,8 million de dollars, vous pouvez vous payer un concert des Rolling Stones chez vous. 1 million pour AC/DC, 700 000 pour Paul McCartney, 500 000 pour les Foo Fighters. De quoi passer une bonne soirée de Noël. On revient à la musique avec le groupe britannique de glam rock Slade et le titre Merry Christmas Everybody. est de retour dans Riffraff sur Radio Pont et on va s'écouter The Darkness avec Christmas Time. The Darkness qui se sont dernièrement vus au centre d'une polémique car sur la pochette de leur dernier album, on y voit le bassiste et le batteur tenant des épées au pied de Jésus représenté par le chanteur. Pour continuer dans le blasphème et la profanation, pour le réveillon de Noël, je vous propose de remplacer le traditionnel Petit Papa Noël de Tino Rossi par cette version revisitée par Trust. C'est la belle nuit de Noël, la neige est ensemble en manteau et les yeux levés vers le ciel. Genoux, les petits enfants vont fermer les paupières. Et une dernière prière. Long black dream. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers. N'oublie pas mes petits souliers. De partir, il faudra bien revenir. De loin, tu vas voir si froid. C'est un peu à cause de toi. J'ai hâte de voir le jour où je te lève avec un litige en diamant. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et qu'il faut rêver les copains, copains. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, arrête de jouer par le nez. N'oublie pas. Let's go.